Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Indira Gandhi, celle qu'on appelait la mère de l'Inde. In the Indian Constitution, all citizens are equal, regardless of sex, religion, language, state, or any other division. And therefore, I'm just an Indian citizen and the first servant of the land. C'est en 1966 qu'Indira Gandhi devient première ministre de l'Inde. C'est la première femme à occuper ce poste dans son pays. Et même si elle se décrit dans cet extrait comme une simple citoyenne indienne qui accède aux plus hautes fonctions, il faut savoir évidemment qu'Indira Gandhi fait partie d'une grande famille politique. Son père, Nehru, a été le premier ministre de l'Inde après l'indépendance de 1947. D'abord, ce n'était pas seulement mon père qui était dans la politique, c'était ma mère, mon grand-père, mes grand-mères, toutes les tantes, les oncles, les cousins, enfin, toute la famille. Ma tâche est énorme, mais en même temps passionnante. Je suis plein d'espoir et j'ai confiance dans le peuple indien et dans l'avenir de mon pays. Mais il ne vous arrive pas de penser quelquefois, oh, mais c'est une tâche... trop grande, c'est presque impossible pour moi. Rien n'est impossible. Si je peux paraphraser, je peut-être c'est Racine, je ne suis pas sûre, n'est-ce pas qu'il a dit « À qui venge son père, il n'y a rien d'impossible. » Alors, moi, je veux dire « À qui sert son peuple, il n'y a rien d'impossible. » Indira Gandhi, répondant aux questions de Jacques-Olivier Chattard à la télévision française en 1969, pour faire le portrait d'Indira Gandhi, mon invité Mathieu Boisvert, professeur au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'Inde. Mathieu Boisvert, bonjour. Bonjour, Jacques. Ce qui est frappant dans ce qu'on vient d'entendre, Mathieu Boisvert, c'est l'apparent sens du devoir d'Indira Gandhi, sa détermination aussi, évidemment ses origines familiales, puis ça on y reviendra dans un instant. Mais un mot d'abord sur l'importance qu'elle aura, de quelle manière et quelle importance aura Indira Gandhi dans l'histoire politique de l'Inde contemporaine? Bon, dans l'histoire politique contemporaine de l'Inde, bien sûr, Indira Gandhi occupe une place privilégiée, je dirais incontournable. Elle est très critiquée, elle est admirée par d'autres, mais les 14 ans qu'elle a passés au pouvoir ont participé à faire de l'Inde ce qu'elle est aujourd'hui. Modernisation du pays. Puis aussi, évidemment, c'est la suite. Elle marche vraiment, puis on va y revenir au cours de l'émission, mais même dans ses politiques, c'est la suite de l'œuvre de son père, qui est le premier ministre indien après l'indépendance de 1947. Oui, elle suit. Elle a été influencée grandement par l'ensemble de sa famille et elle va continuer, en fait, ce que son père avait commencé, cette vision de cette Inde qui deviendrait éventuellement une puissance mondiale. Mais, comme on va le voir tout à l'heure, elle va introduire à l'intérieur de la politique extérieure des éléments qui sont très différents de la politique extérieure néhruvienne. Sa famille, c'est très, très important. Elle vient vraiment... On n'a pas idée, en fait, à quel point c'est une grande famille politique. On parle souvent de cette famille Nehru-Gandhi comme des Kennedy indiens. Parlez-moi de cette famille-là, de quelle manière cette famille est importante. Bon, en fait, on parle de la famille Nehru-Gandhi, mais il faudrait parler de la famille Nehru, tout court, parce que c'est la lignée qui est en... dont on parle ici. Gandhi, ça fait référence plus souvent au Mahatma Gandhi. Il n'y a aucun lien ici. Ouais. Mais il faut comprendre que la lutte pour l'indépendance en Inde débute en 1857. C'est une date marquante dans l'histoire de l'Asie du Sud. Et très tôt suite à cette lutte pour l'indépendance contre les Britanniques, vient s'impliquer le grand-père d'Indira Gandhi, Motilal Nehru, qui était d'origine, un brahman d'origine cachemiri, mais qui naît à Agra et qui va continuer sa vie par la suite dans l'Uttar Pradesh. Mais c'est que cet homme va avoir trois enfants, Jawaharlal Nehru, Vijaya Lakshmi Pandit et Krishna Uti Singh. Alors, Nehru et ses deux filles, en fait, le père d'Indira Gandhi et ses deux tantes. Et les deux tantes d'Indira Gandhi étaient également des personnages politiques très importants. Sa tante Vijaya Lakshmi a été la première femme présidente de l'ONU. Son autre tante était une très grande écrivaine indienne avec une perspective très indépendantiste. Elle a participé de par ses écrits à la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Alors, elle provient de cette famille qui a toujours été impliquée depuis trois générations à l'intérieur de l'action politique, mais plus que ça, cette idée de marche de l'Inde vers l'indépendance, ça fait partie de l'ADN de la famille, on peut dire ça comme ça. Oui, et c'est non seulement la marche de l'Inde vers l'indépendance, mais également, je dirais, le positionnement de l'Inde comme étant une puissance mondiale à venir. Oui. Bon, ça, c'est la toile de fond. Elle a déjà tout ce bagage derrière elle, Indira Gandhi. Puis en plus, son père devient premier ministre, le premier premier ministre de l'Inde en 1947, de l'Inde indépendante. Et là, vraiment, commence, c'est fabuleux pour elle, son apprentissage politique. Elle le suit, mais littéralement partout, à partir du moment où il est premier ministre Nehru. Oui, sa formation première, c'est là qu'elle réside. Ouais. Dans les années, au début des années 40, Indira Gandhi, ou 39, Indira Gandhi va se rendre en Angleterre pour les études. Jamais elle ne va terminer son bac. Il faut comprendre également qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Sa mère également va être hospitalisée en Suisse dans un sanatorium. Elle va la visiter à plusieurs reprises. Et elle va rentrer en Inde vers 1941-42, moment où elle va se marier avec Firoz Jahangir Duruwala, qui n'est pas Gandhi. Okay. Mais c'est que suite à l'indépendance de l'Inde, ça faisait 5 ans à peu près qu'Indira était de retour au pays, à partir de 1950, elle va devenir la secrétaire officielle de son père. Ouais. Et comme vous disiez tout à l'heure, elle va suivre son père partout. Et pendant ces 10 années, elle va recevoir une formation incroyable. Et il y tient qu'elle soit avec lui tout le temps. Elle va gravir les échelons au sein du parti, le parti du Congrès. Elle va devenir secrétaire, présidente, secrétaire. En fait, je pense qu'on dit du parti en 59. Elle devient première ministre, Indira Gandhi, 2 ans après la mort de son père, Mathieu Boisvert, en 1966. Elle devient donc la troisième première ministre de l'Inde indépendante, première femme à occuper ce poste. Et sur cette question, justement, de la situation des femmes, on l'écoute dans une entrevue qu'elle accorde en janvier 1966. C'est vrai, la femme a changé beaucoup. Et la cause, c'est que pendant notre lutte pour l'indépendance, Mahatma Gandhi et mon père et les autres leaders ont donné une place à la femme. Et ce n'était pas seulement la femme de la ville, mais aussi la femme du village. Et alors, on a découvert que les femmes qui étaient pendant toutes ces années fermées dans leur maison, elles ont montré qu'elles avaient de la capacité de faire toute espèce de travail. Vous pensez qu'il reste quand même encore beaucoup à faire pour... Oh oui, naturellement, parce que même maintenant, il y a très peu de femmes. Il y a des femmes qui ont de très hautes positions, mais si vous voyez toute la population, alors il y a aussi des femmes qui n'ont pas changé beaucoup. Mais l'éducation des jeunes filles, c'est ça qui fait... Ça marche très bien maintenant. Et nous espérons que les femmes moyennes aussi seront plus émancipées. Qu'est-ce que ça représente? C'est pas rien quand même. On est en 1966, Mathieu Boisvert. Que représente l'arrivée d'Indira Gandhi à la tête du pays dans cette Inde de 1966? Oui. Premièrement, je voudrais recontextualiser par rapport à la Constitution indienne de 1950, 3 ans après l'indépendance, à l'intérieur de laquelle c'est très clair que tous les citoyens sont égaux et qu'il y a une égalité entre les sexes aussi. Mais qu'Indira Gandhi soit élue première ministre en 1966, c'est extrêmement révélateur, surtout avec l'histoire personnelle d'Indira Gandhi. Bien entendu, il y a tout un bagage, un background ici qui la supporte dans tout ça, sa famille, par exemple, parce qu'elle appartient à une lignée familiale qui a toujours été extrêmement puissante dans la sphère politique. C'est une femme, mais c'est pas une femme comme toutes les autres. Exactement. C'est la fille de Nehru, cette héritière de cette grande tradition, de cette grande famille politique qu'on a décrite. Oui, mais d'autre part, c'est une femme qui, en 1942, c'est une femme hindoue, d'une famille brahmane relativement orthodoxe, bien que moderne, mais en 1942, Indira Nehru, choisit de se marier avec Firoz Jahangir Duruwala. Et cet homme est un Parsi, il n'est pas hindou. Et des mariages entre deux personnes qui n'appartiennent pas à la même tradition religieuse, c'est extrêmement difficile en Inde, et encore dans l'Inde contemporaine. Là. Alors, c'était extrêmement progressif pour Indira Gandhi d'entreprendre cette démarche et de tenir son bout du bâton, parce que même son père et l'ensemble de sa famille n'étaient pas d'accord avec cette union. Ça s'est transformé par la suite. Et le Mahatma Gandhi a donné son nom au mari d'Indira, Féroz, pour que celui-ci ait un nom hindou et soit plus accepté à l'intérieur de la population. D'autre part, en 1960, son mari meurt aussi. Et Indira Gandhi devient veuve. Oui. Cette image des veuves en Inde, où la veuve doit, tout au moins la veuve hindoue, à l'intérieur d'un cadre traditionnel, se retire dans la maison. Là, elle est plus active dans la sphère sociale, la sphère publique. Indira Gandhi, après 1960, le demeure. Elle devient première ministre en 1966. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Exactement. Dans le contexte indien. Évidemment, sachant qui elle est politiquement, héritière de cette grande famille, mais quand même, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire dans, mm-hmm. dans cette élection d'Indira Gandhi en 1966 comme première ministre du pays. Oui, et dans les élections subséquentes, elle va utiliser cette image de transgresseur qui lui revient, puis elle va s'associer à la déesse Kali. Qui est souvent une déesse qui est transgressive, qui est destructive, mais dans le but de reconstruire par la suite. Mm-hmm. Alors que les partis d'opposition faisaient des parallèles avec la déesse Durga. Oui. Le fait qu'elle ne respecte pas les normes, les conventions et tout. Puis il y aura, puis ça on y reviendra quand on parlera de sa gouvernance, mais il y a quand même une association, c'est quelqu'un qui est à gauche, c'est quelqu'un qui est progressiste, comme son père l'était également, un héros. Donc ça fait partie de cette transgression au sens très large, mm-hmm. mais de faire avancer vers le progrès. De changer l'ordre établi. Est-ce que ça représente, pour rester sur la question des femmes, juste encore quelques secondes, Mathieu Boisvert, est-ce que pour elle, c'est une préoccupation, la question des femmes, et qu'est-ce qu'elle va, elle, représenter pour les femmes indiennes? Oui. Bon, on l'a entendu dans l'entrevue, oui, ça semble être une préoccupation, mais j'ai l'impression qu'entre 64 et 75, tout au moins dans son premier mandat qui débute en 66, il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants. Oui. Il y a une famine terrible à partir de 64. Indira Gandhi rentre au pouvoir en 66, et c'est ce à quoi elle doit faire face. Alors, je pense, dans un premier temps, cette crise alimentaire. Exactement. Puis en 70, il y a la guerre du Pakistan. Oui. En fait, entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Parce qu'en 1947, quand les Britanniques se retirent de l'Asie du Sud et créent l'Inde, mais également le Pakistan, qui est divisé en deux régions. Une région qui est totalement à l'est de l'Asie du Sud, qui va devenir en 71 le Bangladesh, et une autre région à l'ouest, qui est le Pakistan actuel. Mais ces deux régions était un seul pays. Ouais. Et le Bangladesh ou le Pakistan oriental vient à réclamer son indépendance. Et l'Inde embarque, vient appuyer le Pakistan oriental ici. Alors, Indira Gandhi a été extrêmement prise, en fait, par cette crise interne, cette crise politique, cette guerre en Asie du Sud. Et l'Inde a eu un rôle déterminant dans la victoire du Pakistan ici. Ça, c'est vraiment important sur le plan des relations étrangères, sur le plan de son style et de ses idées politiques, mais plus sur les questions intérieures, Mathieu Boisvert. Comment on peut résumer, en fait, son action politique? C'est difficile à dire, parce qu'on parle d'une période de 14 ans. Et oui. Quand on regarde ici, parce que cette période-là peut être divisée en différents moments, très différents les uns des autres. Mais il y a eu l'état d'urgence de 75 à 77 qui, je pense, vient vraiment ternir l'image d'Indira Gandhi, parce que elle administrait l'Inde par décret. Le Parlement n'avait plus de pouvoir ici. Mm-hmm. Et de fait, on va écouter un extrait là-dessus, mais il y a un lien entre elle a pour pouvoir décréter. Il y a des irrégularités sur le plan électoral en 75 pour se maintenir au pouvoir. Elle use donc de ce décret, des mesures d'urgence. Et vous allez l'entendre dans l'extrait, le capital qu'elle a, le capital de sympathie qu'elle a au rang de l'armée, parce qu'elle a gagné justement cette guerre oui. du Pakistan dont oui. vous parliez, lui permet justement, avec tout l'autoritarisme que ça représente, de se maintenir en poste par la manière forte, avec l'état d'urgence, extrait de la revue de fin d'année de la télé de Radio-Canada en 1975, qui évoque ce contexte-là. Quant à l'armée de l'Inde, elle sait qu'Indira Gandhi l'a menée à la victoire au Pakistan oriental. Indira sait qu'elle peut compter sur l'armée. Elle en a besoin pour faire appliquer sa loi d'urgence. Elle vient d'être condamnée pour fraude électorale. Sa position devient intenable. Cependant, la loi d'urgence lui permet de mater ses adversaires. Les arrestations se comptent par centaines. 26 petits partis d'opposition sont interdits. Indira Gandhi purge même son propre parti. La constitution est modifiée. Indira Gandhi sort innocenté. L'état d'urgence supplante les lois. Ça, c'est vraiment, vous le disiez à l'instant, Mathieu Boisvert, mais le côté très autoritaire qu'on va lui reprocher d'Indira Gandhi, elle se maintient de force au pouvoir. Là, ça, c'est la zone d'ombre la plus sombre de son parcours. Tout à fait. Et il faut contextualiser à nouveau, c'est-à-dire que dans les deux années qui ont précédé ce décret ou l'état d'urgence, en fait, il y a une dévalorisation substantielle de la roupie indienne, une crise monétaire sans précédent. Il y a également une crise du pétrole, une insatisfaction généralisée et une grève des chemins de fer. Et l'Inde est le pays le plus ferré au monde. C'est énorme. Le Indian Railways est le plus grand employeur du monde. Alors, elle devait nécessairement régler ceci. Et c'est par l'imposition de l'état d'urgence, avec l'appui de l'armée, qu'elle est parvenue à régler ces problèmes-là. Et à se maintenir, elle, littéralement en place. En 1977, elle juge politiquement qu'il y a peut-être une ouverture. Donc, fin de l'état d'urgence. Élection. Élection. Et une défaite pour le... Ben c'est le Janata Party qui va gagner les élections. Indira Gandhi, cependant, va revenir au pouvoir en 1981. Mais de par, justement, ces liens qu'elle avait au préalable avec l'armée, il y a toujours cette... des liens très étroits entre les deux. Et en 80, il y a des conflits importants qui se trament au Punjab, dans la province du nord-ouest de l'Inde, qui avait été divisée au préalable en 47 entre le Pakistan et l'Inde. Et ce Punjab, qui est majoritairement de religion sikh, veut devenir indépendant. Ouais. Alors, pendant ces 2-3 années-là, Indira Gandhi, avec l'armée indienne, va travailler à briser les coalitions entre les différentes factions sikhs du Punjab pour leur donner moins de force. Et éventuellement, l'une des coalitions qui est alimentée financièrement et en termes d'armes par l'armée indienne va devenir la plus importante et va s'opposer à l'Inde. Ça, et on y reviendra, ça conduira littéralement à sa perte. Mais qu'est-ce qui fait pour revenir à cette élection de 80-81 qu'elle revient alors que quelques années plus tôt, en 77, après l'état d'urgence, c'est la défaite électorale cuisante. Mmh. C'est vraiment pour elle la descente aux enfers. Qu'est-ce qui fait qu'elle réussit à rebondir? D'une part, je pense que le Janata Party n'avait pas l'expérience politique pour être au pouvoir. D'autre part, il y a tout l'imaginaire par rapport à la famille Nehru, à cette lignée. Et cette possibilité, parce que ce sont des années difficiles pour l'Inde, là, cette possibilité d'établir l'Inde en tant que nation souveraine à l'intérieur d'une Asie du Sud plus large et aussi de donner à l'Inde un rôle prédominant à l'intérieur de cette grande région. Donc ce rêve-là continue d'exister en Inde, on veut qu'il se réalise et il y a comme une filiation naturelle, en fait. L'association, c'est de se dire, si quelqu'un peut poursuivre ce rêve, c'est elle. C'est Indira Gandhi, ouais. Exactement. Bon. Elle est quand même donc assassinée le 31 octobre 1984. J'étais trois hommes, tous les trois sikhs, deux sont morts, un a été arrêté. 4 heures après, c'était le premier ministre indien qui décédait dans un hôpital où elle avait été transportée malgré les soins intensifs que lui ont prodigués 12 médecins. Dans tout le pays, ça a été la consternation. La mort de Mme Gandhi plonge en effet l'Inde dans une crise politique sans précédent. Extrait d'une correspondance de Jean-François Leven au Téléjournal du 31 octobre 1984, le jour donc de l'assassinat d'Indira Gandhi. Vous l'avez un petit peu évoqué, la question aussi, que Mathieu Boisvert, mais qui assassine Indira Gandhi et pourquoi l'assassine-t-on? Bon. Ce sont trois sikhs, dont un d'eux est le garde du corps d'Indira Gandhi. Carrément. Mais c'est que 6 mois plus tôt, à peu près, Indira Gandhi avait déclenché l'opération Blue Star. Et c'est l'armée indienne qui est rentrée dans le temple d'art d'Amritsar, qui est le temple sikh le plus important, parce que celui-ci, paraît-il, diffusait des émissions nationalistes, indépendantistes. Et le temple d'art aurait également abrité des munitions là, pour les groupes indépendantistes khalistanais, parce qu'on voulait créer un Khalistan qui serait le pays des sikhs. Et donc, forte répression. On veut tuer ce nationalisme sikh, c'est ça l'idée d'Indira Gandhi. Oui. Et c'est en représailles à cette opération qui fera de nombreux morts. qu'on l'assassine. Exactement. Carrément. Oui. Ouais. La veille, ça c'est fascinant, se sait-elle menacée? La veille de son assassinat, elle prononce un discours dans lequel elle dit, je cite, « Si je meurs aujourd'hui, chaque goutte de mon sang fortifiera la nation. » Avec le recul, Mathieu Boisvert, comment interpréter ces paroles-là? Bon, c'est bien possible qu'elle ait eu vent, pas vent, mais qu'elle était consciente du contexte dans lequel elle était. C'est-à-dire que l'opération Blue Star a été extrêmement critiquée, surtout de la part de la population sikh. Elle habite Delhi, et il y a un bon pourcentage de la population de Delhi qui est d'origine sikh. Alors, elle aurait pu, je pense, prévoir un attentat quelconque dans les mois à venir. Ouais. Donc, elle savait bien. L'attention était là, cette menace à laquelle elle s'exposait. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Quel impact va avoir cette mort pour l'Inde, politiquement, entre autres? Bon, ça va avoir un impact très important. C'est-à-dire que dans l'imaginaire indien, Indira Gandhi est associée avec le Mahatma Gandhi, de par son nom. La majorité des Indiens ne sont pas au courant qu'elle n'est pas dans la lignée Gandhi. Ça, c'est fou, quand même. C'est aberrant. Ouais. Okay? Mais c'est que le Mahatma Gandhi a été assassiné aussi. Elle aussi. Alors, ce sont des gens qui auraient donné leur corps, leur vie, pour cette mère Inde. Ouais. Alors, son fils est porté au pouvoir presque automatiquement par la suite. Son fils Rajiv Gandhi. Ce qui vient perpétuer, justement, la lignée Gandhi. Et qui, lui aussi, va être assassiné par des fondamentaux ou par des nationalistes tamouls du Sri Lanka et du Tamil Nadu. Qu'est-ce qui reste j'ai envie de dire, de cette légende, avec ce que vous venez de nous dire, de cette légende Indira Gandhi dans l'Inde d'aujourd'hui? Bon, il y a ses petits-petits-enfants, c'est-à-dire Priyanka et Rahul Gandhi, qui sont en fait les enfants de Sonia Gandhi, qui est d'origine italienne, et de Rajiv Gandhi, qui était le fils d'Indira. Ouais. Ce sont les petits-enfants, pas les petits-petits-enfants. Qui sont toujours en politique. Qui sont toujours en politique. Rahul était le président du Parti du Congrès. Il a perdu les élections en 2014. Priyanka est à peu près 3 ans plus jeune que Rahul. Et je pense que celle-ci, d'ici 2 ou 3 ans, aurait bien des chances de s'investir beaucoup plus, de façon beaucoup plus agressive à l'intérieur de la sphère politique indienne. Donc la dynastie familiale... Elle perdure. Elle perdure. Sous un nouveau nom. Oui. De Nehru à Gandhi, mais ça continue. Oui. Mathieu Boisvert, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mathieu Boisvert, spécialiste de l'Inde, professeur au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.